Matignon, bonjour. Oui, allô? Allô, allô? Allô? Rue de Varennes, de François Perrache. Troisième saison. Avis de tempête. Pour que les dieux s'amusent beaucoup, il importe que leurs victimes tombent de haut. Rue de Varennes. 12e épisode. Riant de bon cœur, mes amis, aux mésaventures conjugales du premier ministre de la France, Pablo Mercadal. Riant, puisqu'il en est encore temps, viendra le temps des larmes. Juste après avoir diffusé une déclaration en famille pour les fêtes de Noël, et avoir ainsi suscité l'ire du président de la République, le premier ministre Mercadal fait, bien malgré lui, la une d'un très célèbre magazine. Le poids des mots du premier ministre n'aura pas tenu face au choc des photos. Que le magazine en question soit détenu par un ami personnel du président de la République relève peut-être du hasard. Du hasard ou de la nécessité. Bonjour Bernard Collonge. Ça va bien ? Ça va. En ce dernier jour de l'année, vous avez décidé de proposer votre analyse toute personnelle sur la polémique qui agite le monde politique depuis Noël. Je veux bien sûr parler du reportage de Paris Match consacré à l'épouse du Premier ministre. Et oui, bonjour Nicolas, disais-je, et bonjour à tous, ou plutôt, coucou. Quel Noël pourri. Hein, je sais pas vous, mais moi, pourri. Pourri de tous les côtés. Quelle vilaine surprise d'il y a quelques jours pour le Premier ministre. Ça sent le sapin à Matignon. Pablo a les boules et sa femme, qui n'est pas un cadeau, a dû se faire enguirlander. N'écoutant d'ordinaire que la radio, je ne suis guère coutumier des magazines People et je n'ai d'abord pas prêté une grande attention à ce reportage. Mais l'agitation médiatique et politique autour de cet événement m'a contraint à y regarder de plus près. N'écoutant, disais-je, que la radio... Et mon courage, je me suis donc procuré un exemplaire de l'hebdomadaire susmentionné. On y voit l'épouse du Premier ministre se promenant à New York, main dans la main, en compagnie d'un homme qui n'est visiblement pas le Premier ministre. Tiens, tiens. Bon, c'est une cause entendue, Pablo Mercadal est donc cocu. Ah, attendez, parce qu'on me fait signe en régie que nous sommes sur le service public et qu'il ne faut pas utiliser certains vocabulaires pour qualifier la situation personnelle du chef du gouvernement. Continuez, mon cher Bernard. Contact, d'accord, d'accord. Pablo Mercadal est donc coquet et coquin, hein, puisqu'on connaît son goût pour les costumes sur mesure, les jolies femmes et les chaussures de luxe qu'il a toujours plaisir à astiquer. Les chaussures, Nicolas, les chaussures. Il est dans le caca, Pablo Mercacadal. Sa femme lui a rabattu son caquet au petit coco. Mais trêve de jeu de mots puérils, comportons-nous en adultes. Taire cet événement privé grandirait le journalisme. Alors, pourquoi évoquais-je cette question à l'antenne, me direz-vous ? Je vous pose la question, mon cher. Voilà, merci, Nicolas. Sans doute parce que j'aurais été plus enclin à respecter l'intimité du Premier ministre s'il n'exposait pas lui-même si complaisamment sa famille dans les médias. Pari risqué, match perdu, Paris Match apparu. Il y a un hic dans le catholique, il y a du gaz dans l'eau bénite, il y a un poil dans le vin de messe, il y a un cheveu sur la langue, c'est plus la sainte famille, c'est la feinte famille. Pablo Mercadal, qui nous a gratifié pour Noël d'une touchante vidéo le montrant en père de famille modèle, se retrouve moqué et attaqué de toutes parts, c'est le rosaire arrasé, l'arroseur arrosé, la risée des réseaux. Dans la savoureuse pièce Bobos d'André Roussin, on peut notamment entendre ceci. Ah c'est moi qui fais le job. Ah oui, il faut bosser un peu. Je lis ce petit papier ouais, alors. S'il vous plaît. Je vais essayer d'être à votre hauteur. Il suffit depuis 3 siècles de prononcer le mot cocu en s'adressant à son semblable pour voir fulminer la personne visée et s'épanouir les témoins. Et je pose cette question, que cache-t-il ce petit mot musical qui ressemble au chant d'un oiseau ? Je vous réponds, messieurs, il sous-entend que la rouerie féminine est toujours victorieuse de la confiance et de la crédulité des hommes. La confiance et la crédulité des hommes. Et si c'était nous ? Les cocus. Nous, les Français, nous, les citoyens circonspects, nous, les cocus d'un système politique auquel on ne croit plus et à qui on demande en plus de payer la chambre. Bon réveillon à tous. Bon réveillon, cher Nicolas. Bon réveillon, mon cher Bernard. À bientôt et musique. Enfin, il y a l'enjeu écologique. C'est un enjeu immédiat. Un enjeu politique avec la nécessité d'inventer une économie respectueuse de l'environnement. Et la France a tous les atouts pour en être le champion. Mes chers compatriotes, oui, nous pouvons être fiers d'être Français. Au printemps prochain, vous aurez à faire des choix décisifs. Vous êtes le peuple souverain. La France a besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Elle compte sur vous. Vive la raie au milieu, vive la frange. Coupé. Ok, parfait, merci. Fin de la répétition, je vous laisse faire les derniers réglages. Bon, alors, ça va? Oui. C'est une très bonne idée qu'a eu M. Benaïd de faire ça avec les jardins derrière, avec la neige qui tombe, c'est très joli. Merci, ça change un peu, c'est plus chaleureux. Et vous étiez très bien, monsieur le président. Vous êtes de plus en plus à l'aise dans cet exercice. Bah, au bout de 5 ans, il serait temps. Moi, je ne veux pas vous bousculer, mais je fais juste un petit point sur le timing. Là, il est 18h20, monsieur le président. À 19h, on refait un enregistrement complet des vœux. Non. C'est peut-être mes derniers, alors je les fais en direct et basta cosy. C'est toujours en direct que je suis le meilleur et ça mettra un peu de piment. Le piment, c'est difficile à doser, monsieur le président. Je l'ai fait en direct, Hakim. De toute façon, j'ai une conf-call avec Guterres et les Russes dans 10 minutes. On prépare la réunion à l'ONU. Et avant, il faut que je refasse un point avec le Sherpa. Bon, vous me suivez dans mon bureau pour continuer à discuter ou on se retrouve ici à 19h30? Alors, on vous suit, monsieur le président, on vous suit. D'insister, monsieur le président, par sécurité, il nous faudra un enregistrement complet des vœux s'il y a le moindre problème technique. Il n'y aura pas de problème. Ok, je préviens la réalisatrice. Mais je fais un peu long, non, cette année? Ah, il faut bien faire le bilan du quinquennat, monsieur le président. Attaquer bien tonique dès le début, pour donner du rythme. On devrait passer sous les 10 minutes, Marseillaise compris. Bon, de toute façon, au bout de 3 phrases, plus personne n'écoute. À 20h, ils sont déjà tous aux huîtres et au foie gras. Les Français ne mangent malheureusement pas tous des huîtres et du foie gras, monsieur le président. Eh bien alors, ils n'ont qu'à manger du caviar. Non mais je plaisante, Hakim. Oui, je plaisante. Je pense au contraire que cette année, tout le monde va scruter vos voeux, monsieur le président, pour essayer de déceler un indice sur votre candidature. Ils en seront pour leurs frais. Relisez-moi la fin, Hakim. Qu'est-ce que je dis exactement? Au printemps prochain, vous aurez à faire des choix décisifs. Vous êtes le peuple souverain. La France a besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Elle compte sur vous, etc. Oui, c'est très bien. C'est suffisamment ambigu pour laisser toutes les hypothèses ouvertes. Au petit jeu des candidatures, le premier qui tire a perdu. Le principal risque était que le Premier ministre vous grille la politesse, mais désormais... Je devrais peut-être accélérer le mouvement pendant qu'il a un genou à terre. Non, surtout pas. Il ne faut pas qu'on puisse vous accuser de tirer sur l'ambulance. Laissez monsieur le Premier ministre se noyer tout seul. Paris Match a fait de gros dégâts. Mercadal s'écroule dans le prochain baromètre. Il a perdu 12 points en 4 jours. Et en janvier, on l'achève. Il se prend l'intersyndicale en pleine face. Vous laissez faire, on peut espérer 1 million de personnes dans la rue. Et vous vous posez en recours face à Bousquet avec la menace qu'elle soit au second tour. Je crois, comme M. Benaïd, que l'hypothèse Mercadal est morte la semaine dernière à New York, M. le Président. C'est inespéré. Le Premier ministre a depuis des mois éliminé un à un tous ses concurrents internes et il vient de se saborder en mettant en scène sa vie privée. Vous savez, un boulevard. Ouais, on verra. Monsieur le Président, on vous attend pour commencer. Le Kremlin est en ligne. Déjà? Mais il est à peine 25. Par principe, on va le faire attendre jusqu'à 18h30, Raspoutine. Et Guterres attendre, il a que ça à foutre. Gagner du temps, mon épéni. Il faut que je relise mes notes, je comprends rien à leurs histoires d'ethnie. Oui, monsieur. Merci, Edwige. Et vous me faites monter une bière, ça va me détendre avant l'enregistrement. Oui, monsieur. Bien, messieurs, on se retrouve à 19h30. Ou pas plus tard, hein, s'il vous plaît. Le temps de vous équiper, de vous coiffer, de vous maquiller. À mon avis, ce ne seront pas vos derniers vœux, monsieur le président. Oui, on verra. Alors, quoi qu'il en soit, un premier miracle s'est produit. Ça fait presque une semaine qu'on n'a pas vu la tête du Premier ministre dans les médias. Oui, c'est toujours ça de prix. J'ai eu Laurence Vignot au téléphone hier, elle est restée évasive, mais Mercadal accuse le coup, apparemment. Oui, il s'en remettra, ou pas. Rendez-vous à 19h30, on a dit. C'est ça. Ça me laisse 1 heure pour sauver le Yémen et rétablir la paix dans le monde. Allez, vive la France. A tout de suite, messieurs. 19h30, hein, monsieur le président. En En attendant cette cérémonie des vœux, Caroline, qui sera particulièrement suivie, la nuit est tombée ici, à quelques mètres du 8 rue de la Grande Chaumière. Et sous une pluie fine et froide, l'appartement privé du Premier ministre a pris des airs de camp retranché. Le silence complet de Pablo Mercadal depuis bientôt 4 jours est en effet tout à fait inhabituel chez lui. Un mutisme qui suscite une grande curiosité dans les médias et une inquiétude désormais palpable dans les milieux politiques. Ce que l'on sait, c'est que le Premier ministre, en cette soirée de réveillon, serait seul avec sa fille Alice. David Erignac, le directeur de cabinet du Premier ministre, et Laurence Vignon, la conseillère presse de Matignon, qui sont arrivés dans l'après-midi, se sont refusés à tout commentaire. Affaire privée donc, mais contexte éminemment politique, puisqu'à quelques minutes maintenant des vœux présidentiels, tout le monde a en tête les liens d'amitié qui unissent le président de la République avec le patron de presse André Carnetti, propriétaire notamment de Paris Match, par qui le scandale est arrivé. On aimerait, Caroline, être une petite souris pour écouter ce qui se dit en ce moment dans le salon du Premier ministre, où la tension doit être à son comble. Bon, Pablo, dis quelque chose. Oh, Pablo, tu m'écoutes? Doucement, David. Quoi? Il va pas rester comme ça des heures dans son canapé à caresser ce putain de chat. T'es allergique en plus, Pablo, alors faut réagir, là. Je suis d'accord avec David. Profite de la trêve des confiseurs, Pablo, pour te reposer encore un jour ou deux. Fais le point avec Stéphanie et ne précipite aucune décision. T'es sous le choc, là, c'est normal. Voilà, c'est ça, repousse-toi encore un jour ou deux. Hein. Mais après, faut reprendre la main, hein, très vite. Dans une semaine, ce sera trop tard. Pablo, allez, prends-toi un petit remontant. Hein, tu veux un rail de coke? De l'AMD? Je te prépare un parachute, si tu veux. À quoi? Et où, l'on, David, avec tes cochonneries? Oui, ouais, ça peut pas lui faire de mal. Hein. Pas sûr. Bon, Pablo, t'as le droit d'avoir un moment de faiblesse. Je comprends que t'aies envie de tout lâcher, mais tu peux pas te montrer dans cet état. Les journalistes vont pas te rater. Oui, mais l'Élysée non plus. Allez, allez, enfile-toi ça, mon Pablito. Hmm? Très bien. Dans 5 minutes, tu iras déjà mieux. Lâcher, lâcher, lâcher. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, là? J'ai pas compris. Allez, mais dis-nous quelque chose, Pablo, merde! Merde. Merde, monsieur le président. Merci. Ah non, faut pas répondre merci, ça porte malheur. Il faut dire, je prends. Oh. Mais ça vient d'où d'ailleurs, cette expression? Je crois que ça remonte au 18 ou 19e siècle, monsieur le président. On souhaitait aux comédiens d'avoir beaucoup de public, donc beaucoup de calèches devant le théâtre. Plus il y avait de crottins devant l'entrée, plus il y avait de monde. D'où le merde. Ouais, je prends. Bon, je file en régie pour vous écouter. Allez-y. Moi, je reste avec le président. Juste derrière la porte. Si vous restez là, pensez à bien éteindre votre portable, s'il vous plaît. Oui, oui. Oh, d'ailleurs, Monet Penny. Oui, monsieur. Passez-moi mon portable perso, j'ai vu que Carnetti a essayé de me joindre. Oui, vous avez reçu 3 appels. Monsieur Carnetti, monsieur le ministre de l'Intérieur et monsieur le Premier ministre. Tenez, monsieur le Président. J'en profite pour vous dire que juste après l'enregistrement, vous dînez avec le Sherpa et que vous décollez avec monsieur Benaïd pour les États-Unis à 22h40. Entendu, merci Edwige. Encore un réveillon dans l'avion. Est-ce que je peux me permettre de vous suggérer d'enlever votre montre pour les vœux, monsieur le président? Elle me semble un peu trop... Oui, oui, oui, vous avez raison. Gardez-la moi, ça me donnera un petit côté anard de droite. Ni Dieu, ni montre. Antenne dans 1 minute 30. Bonjour, vous avez 3 nouveaux messages. Reçus aujourd'hui à 19h26. Salut, c'est André. Dis donc, mon Jaco, t'aurais quand même pu me remercier pour notre cadeau de Noël. Nous, on a déjà ouvert le champ. Les ventes ont explosé, c'est le plus gros tirage de l'année. Bon, je t'appelais aussi pour te dire qu'on a d'autres photos nettement moins soft de la mère Mercadal et de son mignon américain en train de répéter de la musique de chambre. Bon, elles sont impubliables, mais je te les ferai passer. Ça devrait te divertir. Bah, j'imagine que Matignon les a déjà. Le rédacteur m'a dit que nos serveurs avaient été piratés cette semaine. Il pense qu'on s'est fait voler les photos par la DCRI ou autre. Bon, à suivre. Je t'embrasse. Je pars demain avec Eva faire quelques tours de bateau à Mada, histoire de prendre un peu le soleil. Toi, profite bien de New York. envoie une carte postale à Mercadal. Allez, merde pour tes vœux. Imbocca al lupo, comme on dit chez moi. Bati. Reçu aujourd'hui à 19h40. Oui, bonsoir, monsieur le président. Dominique Pelletier, à l'appareil. Je voulais vous dire que je pensais bien à vous, hein, pour les vœux de tout à l'heure. Je ne pourrais malheureusement pas les écouter en direct parce que ce soir, je suis en banlieue. Je vais passer mon réveillon du 31 à faire la tournée des comités. Oh, quel lèche-cul, celui-là. Message supprimé. Reçu aujourd'hui à 19h55. Bonsoir, monsieur le président. À cette heure-ci, je me doutais que je tomberais sur votre répondeur, mais j'espère que vous écouterez ce message avant votre intervention. Vous allez bien ? Vous dormez bien depuis 2 ans ? Je ne sais pas si vous croyez aux forces de l'esprit. En tout cas, je pense qu'il y a au moins un mort qui va vous écouter ce soir. C'est Jean-Philippe Belansky. Vous vous souvenez ? Jean-Philippe Belansky qui a été votre ministre de la Santé et que vous avez fait égorger. Moi, je n'oublie pas. Je suis en train de relire l'article 68 de la Constitution. Passionnant. En cas de manquement à ses devoirs, vous devriez jeter un œil. À bientôt, monsieur le président. Fin des messages. Menu principal. Pour consulter vos messages, faites le 1 pour votre annonce. Ça va, monsieur le président ? On sort du champ, s'il vous plaît. On sort du champ. Attention, dans 3, 2, 1, générique. Tu m'as fait peur. Ça va mieux ? T'écoutes pas les vœux ? C'est dans 2 minutes. Je suis désolé pour ton réveillon, ma puce, mais c'est vraiment mieux que tu sois pas ce soir, il y a trop de journalistes. On commence ce que tu veux pour dîner. Laisse tomber. Il y a plein de restes au frigo. De toute façon, ça m'a déprimé d'aller faire la 31 avec Louise et Léo. Tous les ans, c'est le même truc. Ils écoutent de la musique de mongoloïde à fond en buvant de la Zubrovska. Ça finit toujours en larmes à 3h du mat en cherchant un taxi. Et t'écoutes quoi ? Tu connais pas. C'est Stromae ? Non, tu m'épates. Qu'est-ce que tu crois ? C'est peut-être un peu fort quand même, non ? Papa, ça va, c'est bon, j'ai 16 ans. Maman a dit que tu lui avais très mal parlé. Ah, c'est ça. Je lui ai pas très mal parlé, je lui ai dit ce que je pensais. Elle t'a appelé finalement. Elle est où ? Elle n'a pas voulu me dire. Je suis Karine, je crois. Elles se sont bien trouvées, ces deux-là. Quelle salope, celle-là aussi. Alice. Alors ? Vous allez divorcer ? Je sais pas, j'espère pas. Tant mieux, vous arrêterez de vous engueuler. Il paraît qu'il y a des photos dégueux qui vont sortir. T'imagines la honte que je vais me taper ? Non, écoute Lily, la situation est déjà suffisamment compliquée et pénible pour moi. Ouais. Toi et tes problèmes et toi, maman et ses concerts, maman et ses amants, maman et toi, toi et maman. Vous me dites si je dérange. Ah, tiens, voilà. Regarde, je reçois encore un SMS d'un connard. Tu parles pas comme ça, s'il te plaît. Et toi ? Toi, tu parles comment aux gens ? Encore un SMS d'un connard. Un connard qui me parle de Paris Match. M'a fait chier toute la semaine avec ça. Je reçois même des messages de journalistes, je sais même pas comment ils ont eu mon numéro. Quel journaliste ? Mais t'inquiète pas pour vos petites carrières, là. J'ai rien dit. Allez, c'est pas pour ma carrière que je m'inquiète. C'est pour moi, c'est ça ? Vous venez de vous rappeler que vous avez une fille ? Faites ce que vous voulez, je te dis. Divorcez ou pas, je m'en fous, en fait. Dès que je peux, je me barre aux States. J'en ai rien à foutre de tout ça. J'en ai rien à foutre de maman. Elle peut aller se faire tringler où elle veut, par qui elle veut. La paix ! Je veux la paix, c'est tout ! Alice. Vas-y, laisse-moi tranquille ! Putain. Sors, s'il te plaît ! Sors ! Et ferme la porte, merci. Je t'aime, ma fille. Ça va, Pablo ? J'ai entendu. Tu veux que je lui parle ? Non, non. Il est 20h ! Le signal, c'est toujours OK? Ouais, ouais. Le combat contre le racisme. Non, mais c'est quoi ce bordel? C'est horrible ce cadre. Quoi, le cadre? Mais le cadre, là, le cadre de l'image, il est tout en bas de l'écran, il a l'air complètement rabougri. Le son t'es pas direct, mais il n'en fait qu'à ça. Faut corriger ce cadre. Allez. C'est les valeurs de plan qu'on a validées en. Non, non, j'ai pas pu valider ça, on dirait un schtroumpf. On n'a rien changé. Respecter ses règles et tendre la main. Le coiffeur, là, qu'est-ce qu'il a foutu? Merde, à 10 000 balles par mois, là, il pourrait faire un effort, là. Comment c'est possible? Il a un épi alors qu'il est chaud. Ça va, c'est pas... Ah si, si, c'est. On voit son crâne qui brille, c'est hideux. Nous, on n'a rien changé, c'est peut-être le président qui se tient moins droit qu'en répète. Et ben justement, on dirait un petit vieux, faut resserrer le cadre. En plus, il a l'air hyper tendu. Ça, on peut rien faire. Ah ouais, si on zoome pendant qu'il parle, ça va être dégueu. Hein. Démerdez-vous, ou me corrigez ce cadre. Allez, maintenant! Du calme, ça nous aide pas. Je m'en occupe, on va faire un plan de coupe. Ok, mais bon. Caméra A, préparez-vous à corriger légèrement le cadre. On me dit qu'il y a trop d'air au-dessus du président. Donc on va basculer sur caméra B pour un travelling plan large, gauche-droite, très lent, comme on répète. Et pendant ce temps, caméra A, vous corrigez le cadre, ok? Préparez-vous, attention, dans 3, 2, 1, top. Ok, caméra B, pas trop vite le travelling. Caméra A, on corrige très légèrement pendant ce temps. On descend le cadre. On descend. Encore. Non, ça va être... Encore. Encore, caméra A. D'abord, la mise en œuvre. Stop. Caméra A, cadré. Bougez plus, on va rebasculer sur vous. Ensuite, on se prépare. 3, 2, 1. Voilà. Content. C'est trop serré. Ah non, non, c'est très bien. Et au moins, ça ressemble vaguement à quelque chose, il n'est pas complètement écrasé. C'était la valeur de plan que vous avez validée, on répète. Ça va, j'ai compris, faites ce que je vous demande. Attention, on arrive au dernier paragraphe, oui, nous pouvons être fiers d'être français. C'est un jeu immédiat. Et la France? Et la France a tous les atouts pour en être le champion. Mes chers compatriotes, c'est bien. Oui, nous pouvons être fiers d'être français. Marseillaise? Prêt. Au printemps prochain, vous aurez à faire des choix décisifs. Vous êtes le peuple souverain. Je n'apprendrai rien à personne en rappelant que dans 4 mois aura lieu des élections présidentielles. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, moi j'ai pas ça moi. Je crois qu'il improvise. Non! Non mais c'est pas vrai ça! Putain, c'est ingérable! Un débat dont je souhaite qu'il soit digne et qu'il soit serein. À suivre. 57 rue de Varennes. De François Perrache. 12e épisode. Louis Do de Lanxin, Chris Nyanguna, Christophe Pro, Vincent Detienne, Alain Rimou, Anne Deleuze, Yannick Choira, Bruno Abraham Kremer, Grégoire Ostermann, Gilles Privat, Judith Henry, Éric Caruso, Emeline Bayard, Suzanne Aubert, Marie Bouvier, Antoine Joly, Delphine Léonard, Louis-Marie Audubert et Blandine Baudrillard. Bruitage, Sophie Vicente. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à l'ISACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossir. It's bad, you know.